Bienvenue à Aucun outil requis. Je m'appelle Jean-Philippe Charbonneau et au cours de l'année scolaire 2012-2013, François-Olivier Marchand et moi nous sommes partagés la co-animation de l'émission matinale Assemblage requis avec Mathieu Plante. Aucun outil requis est l'occasion pour nous de retourner en arrière afin de vous permettre d'entendre des chroniques que vous avez peut-être manquées. À chaque fois qu'on se rencontre, on choisit un sujet ou un chroniqueur qui sera en vedette pour l'heure au complet. Dans cet épisode, on se garde en vous présentant nos chroniques préférées à nous, les animateurs de l'émission. Attendez-vous à la crème de la crème, à nos moments les plus cocasses et à nos malaises les plus inconfortables en compagnie de nos fidèles chroniqueurs. Bonne émission. À un moment donné, je vais être me retenir là, parce que j'ai trop de talent à donner. Là, trop de bonnes idées, des éclairs de génie qui me sortent de la tête là, comme c'est pas possible. Donc, c'est une chronique qui s'appelle « Ce slogan vous va comme un gant hein? ». OK. Ce slogan vous va comme un gant parce que moi, je suis un grand créatif. Hein? Un grand créatif. C'est un artiste. Hein? Un artiste. On voit un peu comme une compagnie en Virginie qui m'a inspiré pour faire cette chronique-là. En fait, c'est une compagnie qui s'appelle Tech Lab. Ils se spécialisent dans l'analyse des échantillons de sel. OK. Des selles de fesses, exactement. Après, les selles de bain, les selles de fesses. Et donc, eux, leur slogan, c'est « Number one in the number two business ». Donc, numéro un dans la business des numéros deux. Moi, j'aime beaucoup ça. Il y a aussi une compagnie qui s'appelle Roto Rooter, une compagnie de faux sceptiques qui fait ça à Toronto. Ils utilisent le même slogan « Number one in the number two business ». Donc, ça m'a inspiré des slogans. Okay. Dans la vie, parce que ouais, ça coule à flot. J'en ai déjà comme 5 juste pour aujourd'hui. Il y a une compagnie qui s'appelle genre Desmoisans Construction. On passe devant derrière leur camion à tous les matins parce qu'on part en même temps, genre pour rentrer sur l'autoroute, tout ça. Donc, Desmoisans Construction, je me suis dit, slogan parfait, attention, créativité, ok, power. J'ai peur. Demandez-moisans. Mais ça fait demandez-moisans. Demandez-moisans des choses. Hein? De toute beauté. Hey, j'imagine que l'autre va être un petit peu plus relevé. Va tranquillement, pas vite. Là, tu sais, ça, c'est mon premier. Je trouvais que c'était une pas pire idée. Ensuite, tu sais, un bar, mettons, qui est, je sais pas, un bar quelconque au centre-ville. Okay. Mettons, son slogan, on mentionnera pas quel commerce, là, mais ça va être gratuit pareil. Je libère les droits. Ah ouais. Ce serait « T'as amplement le temps de fourrer. Hein? » Ou « T'as amplement le temps de boire. » Templement le temps. Une bonne idée de base. On pourrait faire quelque chose avec ça, quelque chose éventuellement, ouais. En travaillant. Mettons, t'aurais un party à faire, OK? Un gros party, mettons, de fin de session, début de session, un party de la rentrée. Une fête, là. Une fête, exactement. Exactement, François, tu m'amènes exactement là où je voulais aller. T'sais. Ce serait, t'aurais des enfants, ou t'sais, comme dans une cour d'école, OK? Puis ils crieraient... Fight! Tu sais, comme fight, mais c'est fight. Combat, là. Avec une diphtongue. Avec une diphtongue pour être qui vient. Fight. Tu sais, ouais, une fight, on va aller faire une fight. T'sais. C'est bon, hein? mettons une compagnie d'affaires sexuelles, OK? Mettons, là. Tu sais, une affaire des sextoys, mettons. C'est bon, non. C'est quoi des sextoys? Des jouets à s'insérer. Mettons. Mais justement, il y a une compagnie qui existe pour vrai, OK? Et ils offrent 30$. Quand tu commandes 30$ d'objets ou de choses, OK? T'as le shipping gratuit, tu sais. Mais le slogan pour ça, cet événement-là, OK? C'est 30$. Ça s'atteint vite. Ça s'atteint vite comme satin, comme. Venir, tu sais. Ça s'atteint vite. Et c'est son vrai slogan. Ou encore, ça t'invite à acheter, tu sais. Ça t'invite à acheter. Ou des produits de satin, ça pourrait être ça aussi. Un magasin de satin, mettons, ça s'atteint vite. Ça s'atteint. Ou en gars, les cornichons Bill's Dill Pickle. Bill's Dill Pickle. Hein? OK. Dill Pickle. T'as un bon choix de cornichons variés, tu sais, dans les produits Bill's Dill Pickle. Il y en a, là. Piquant, pis tout. Donc, leur slogan, ce serait, tu sais, pour la vente de cornichons variés, ce serait Pick a Pickle. Pick a Pickle, choisis ton pickle. Pick a Pickle. Ça, c'est pas bête, par exemple. Pas pire, hein? Le meilleur, bref, c'est sûr. C'est celle-là. Le satin vite. C'est pour la fête. Fight! Je trouve ça bon, moi. T'es carrément. Bon, demandez-moi ça. Un peu à la violence si on comprend pas. Et c'est tout l'inverse d'une fête qui se veut réjouissant. Oh, réjouissant! Une autre affaire pour la compagnie de sexe. Ouais. Ça peut être un peu facile. Un petit peu facile, ouais. Voilà. Fait que c'est la chronique. Ce slogan vous va comme un gant. Merci, Matt. Ça fait plaisir. T'as pas fait de petite intro à Capella, finalement? Il fallait qu'on ait une petite intro. Avant. Après ça, on passe à la pause. On revient à toi tout de suite après. Là. OK. Ça va être la chronique à Stéphanie. Faut chanter une chanson. Donnez-moi un style de musique. T'as pas. C'est reggae? Mouvement, c'est non, country. Country? Non, ça t'entend-tu? Non, attends. Reggae, c'est plus dur, peut-être. C'est reggae. Comment chanter du reggae? Ou électro? Électro, électro à cappella. Matt va faire son rebout. De l'électro à cappella. OK, ouais, démerde-toi avec ça. Okay. On veut de l'électro à cappella. Je sais pas. Un petit beat en arrière. Pas électro, ça. Ce slogan vous va comme un gant, ce slogan vous va. C'est pas électro. Slogan booba, booba, ce slogan vous va comme un gant, gigant, gigant, gigant, gigant, gigant, ce slogan vous va comme un gant. Vraiment pas électro. Je pense que j'ai jamais rien entendu aussi mauvais. Non, c'était un échec. Pas des petits en arrière, c'est parfait. Une petite drill. Drill. C'est comme plus des sons. Ce slogan vous va. Comme un gang, gang, gang, gang. Non, tu chantes trop, là. Ça marche pas. Ouais, c'est une chanson. Non, c'est électro à cappella, qu'on voulait. Je peux faire du country, sinon. Non. Du classique, un classique. Un classique? Ouais, ben, du classique. Ça change du classique. Opéra? Ouais, opéra. Opéra. Le slogan vous va comme un gant! Ce slogan vous va comme un gant! Non! Il l'a pas fait! Non, c'est pas opéra, c'est pas classé! Écoute, on reviendra pour un intro. Prochaine fois, hein! Stéphanie Paradis est toujours là! Ben oui! Monsieur oui. Plante aussi! Simon Fitzbé aussi! Lui-même! Et on accueille Danny Janvier du Dîner de Con, bon matin! Allô, ça va! C'est rare qu'on l'accueille, mais quand on l'accueille, c'est pour une bonne raison, parce que Stéphanie a un nouveau segment à nous présenter. Je te laisse y aller! Ah, ben mon Dieu, parle à tout, on va en parler après! OK! She's wisdom, ta personnalité, personnalité, tes sensations deviennent des façons, pour les sauces, les nachos, et tellement d'autres choses, fait avec du vrai cheddar canadien, si succulent sous la dent. She's wisdom, ta personnalité, personnalité, fait avec du vrai cheddar canadien. Donne la personnalité. Dans le fond, vous avez enregistré Cheese Quiz. Non, c'est le même dans la vraie pub. C'est la vraie tune. Hey, à quand notre premier album, Mathieu? Un duo. De des tunes de publicité refait. On les refait toutes avec des noms. Chaque chronique pourrait avoir son intro comme ça. Oh. Ce serait pas pire. Feeds Beat. C'est tout le temps okay, sur le même air. C'est toute sa de Cheese Quiz. Oui, c'est ça. Puis tout se fait avec du cheddar canadien, dit deux fois parce que c'est bien important. Ben oui, il faut qu'on le sache que c'est du cheddar parce qu'on peut facilement l'oublier. Ouais, j'avoue, ça ressemble plus à du poté. Ou c'est vrai que tu mets en dessous des tuiles dans la salle de bain. Donc, les participants d'aujourd'hui, Stéphanie, on les présente. En fait, je te laisse animer ça. Moi, c'est pas mon problème. Moi, ça, c'est. Mais toi, t'es un participant, là. Je suis participant, oui. Moi. Okay. Et je vais pas avoir l'air d'influencer les résultats. Moi. Il connaît Mathieu, les questions, toi, tu vas compter les points. Et Colin, je vais compter les points en plus d'être participant. Oui. Okay. Donc là, bon. C'est une bataille entre moi et Simon. Non. J'ai pas envie de me battre avec Simon. Mathieu là, aussi va gagner, participer. Non, on est chacun de notre bord. J'ai confiance en Mathieu. Okay. Il est tellement bon en mathématiques. Bah, bah, bah, bah, bah. Donc. Il n'y a pas de questions de maths là-dedans. Non. Non, le thème cette semaine, c'est les fruits. Oh. C'est un beau petit thème parce que c'est pas vraiment les questions qui sont importantes. Ce sont les buzzers. On peut choisir, on peut te choisir. Pas toi, Mathieu. Je vous donne les buzzers, mais s'il vous plaît, ne buzzez pas tout de suite. On va faire un test de buzzer la suite. Bon, okay. Le mien. Okay. Donc, Mathieu, je t'offre le coussin péteur. Okay. Je n'utilise pas tout le ballon prout qu'on vient appeler. Le prout ball. Sinon, vous, messieurs, vous avez le choix entre la clochette de vélo. Oh, Simon, clochette de vélo. Ah, j'ai pas. Vous avez le choix aussi avec les petits petites castagnettes. Ah, moi, j'ai cœur, le mais vous avez aussi le pingouin qui est mon je préféré. Dans... Ah ben tiens, je prends le petit pingouin. Après, ouais, ok. Est-ce qu'on y a-t-il un trou? Donc, on va faire un test de buzzer. On va commencer avec toi, Simon. Cool. Oh. Ensuite, Danny. C'est par où que le son sort? Fais ça, Benen. Et maintenant, le test, Mathieu.